Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a disposés aujourd'hui, mes bien-aimés frères Patrick Sock en Allemagne, frère Junior au Cameroun, frère Jean-Paul Larson, à Paris, Île-de-France, le frère Alain Patrick Nganimoun en Île-de-France et moi-même le frère Bienvenu Martial à Orléans, en France, à nous unir ici sur Skype pour clôturer ce sujet dont il est tant parlé, qui fait tant de divisions dans l'Église, le corps de Christ, dans le monde entier, à savoir la divinité de Jésus-Christ. Étant donné que nous sommes tous de commun accord à ce sujet, notamment la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Père, Jésus-Christ est Fils, Jésus-Christ est Saint-Esprit et Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, pour ne pas perturber vos esprits, le Saint-Esprit nous dispose aujourd'hui à venir donc mettre un point à ce sujet. Et comme je vous le disais tantôt, nous sommes cinq, le frère Patrick Sock, le frère Junior du Cameroun, le frère Jean-Paul Larson, le frère Alain Patrick Ganoumoun et le frère Bienvenu Martial, moi-même. Nous allons laisser soin à une personne, à un bien-aimé, le frère Junior et le frère Patrick Sock, de nous amener, de nous expliquer, de nous démontrer bibliquement en peu de temps ce que nous avons dit à l'énoncé de ce message, à savoir la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frère Patrick Sock, ou le frère Junior, je ne sais pas qui va commencer, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu, que le Seigneur dispose ses fils et ses filles à écouter cette voix comme celle qui venant du Saint-Esprit, puisque elle sera appuyée par les Écritures que nous allons lire. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Ok, frère. Amen. Ok, frère. Frère Martial, merci beaucoup pour cette brillante, pour cette introduction. Frère Junior, j'aimerais qu'on fasse ça en interaction, si tu le veux bien. Donc, on va prendre quelques minutes en interaction. Oui, voilà. Si ça t'arrange. Ok, donc je veux juste d'abord amener le point, le sujet, et puis je vais te poser quelques petites questions d'éclaircissement, si tu le souhaites. Il n'y a pas de problème, bien-aimé. Ok. Frère, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit aussi que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, en fait, si nous prenons ces deux versets, nous les mettons ensemble, nous comprenons que c'est la connaissance de la personne de Christ, en fait, qui nous affranchit. C'est cette connaissance-là qui nous amène qui nous amène, en fait, vers le lieu que le Seigneur a choisi pour nous. Et c'est un point d'achoppement. Et Jésus-Christ lui-même nous a dit que la question de sa personne sera un point d'achoppement. C'est vrai que à la création de l'Église, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont marché avec Jésus-Christ, nos aînés, les apôtres, ils n'avaient pas cette discussion parce que pour eux, c'était clair. Mais j'aimerais d'abord que tu nous dises, que tu nous dises encore clairement, parce que nous tous ici présents, donc, le frère Alain Patrick Gadimoun, le frère Jean-Paul Larson, le frère Martial, toi, moi-même et toi, le frère Junior. Donc, on a une même position. Mais j'aimerais que tu expliques encore pour toi, ou même qu'est-ce que pas pour toi, que dit la Bible, frère? Que dit la Bible par rapport à la personne de Christ? Amen, amen. Je rends particulièrement grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de communiquer aujourd'hui. Déjà, pour ajouter de l'eau dans ton moulin, frère Patrick, j'aimerais bien que les frères et ceux qui nous écoutent maintenant quand on n'entend pas, nous avons la même position. Ce n'est pas que nous sommes entendus cette position, c'est que de façon distincte, Dieu s'est révélé à chacun de nous, je suppose. Parce que je ne connaissais pas le frère Jean-Paul, le frère même Patrick, ni le frère Martial, ni le frère Patrick, Patrick Sop. Et Dieu a mis exactement la même révélation dans chacun de nous. Il nous a réunis ensemble. C'est d'abord la première chose que les frères et ceux qui nous suivent maintenant, qu'une fois qu'on comprenne dans ce sens que nous nous sommes réunis pour nous entendre. Et que dès le départ, Dieu nous a révélé la chose. Et comme nous savons très bien, connaître Christ, c'est la révélation. Il lui-même dit. Et cette révélation-là, on ne l'apprend pas nulle part. Quand même on sera versé dans les Écritures, être docteur de la loi, quoi que ce soit, être chef de chaque synagogue, quoi que ce soit, ça ne servira à rien. Il faut que Dieu lui-même révèle la personne de Christ au travers de nous. Et maintenant, en allant dans la parole bien-aimée, on regarde très bien dans la parole que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque verset de Bible converge vers une seule et une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, clairement, que ça croit que, comme tu as dit dans le livre de Luc, le prophète Simeon avait eu cette révélation-là que il a donné à Marie à son mari que cet enfant est un enfant qui va créer le signe de discorde. Donc c'est normal déjà, sans pour autant dire que ça doit être ainsi. Je veux dire, c'est normal prophétiquement parlant qu'on discute au sujet de Jésus. Donc on ne va pas discuter comme des fanatiques, on va discuter dans l'optique de comprendre ce que Dieu lui a dit. Parce que ce n'est ni l'affaire d'une personne, ni l'affaire du monde, mais c'est Dieu travaillant au travers de l'humanité, c'est pour bien au travers de l'Écriture, au travers de la foi pour se révéler. Donc, bienvenue pour tous qui nous écoutez maintenant, bienvenue, et plus de Saint-Esprit, utilisez ce message pour éclaircir quelques points d'ombre qui s'est posé au milieu de vous et au milieu de nous, chrétiens. Parce que ce sujet de connaître Christ est tellement important pour notre partie sur la vie. Dans Colossiens chapitre 2, verset 3, il dit clairement que connaître Christ, il doit être rempli de toute la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, savoir connaître le mystère de Dieu, c'est savoir qui est Christ. C'est ça le problème. Donc, connaître le mystère de Dieu, c'est savoir qui est Christ. Alors, la question se pose évidemment. Tous ceux donc qui se professent la chrétienté connaissent Christ, en fait, la réponse est manifestement non. Parce que si on voit le sujet des discussions, c'est tout au sujet de la personne de Christ aujourd'hui. Ça montre que, d'une façon ou d'une autre, on ne connaît pas Christ. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de cette personne qu'on appelle Christ? Par rapport à la divinité de Dieu, ça ne se pose pas. Les chrétiens, ou bien la chrétienté en particulier, tous les membres du chrétienté sont d'accord sur ce point-là qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le problème se situe maintenant à un niveau où on commence à parler d'une autre personne qu'on appelle Jésus-Christ. Alors, c'est toujours-il être un deuxième Dieu en dehors de celui-là, un petit Dieu rabaissé, ou un ange incarné, ou bien tout simplement un être humain qui avait un pouvoir divin. Alors, en entrant dans les Écritures, donc, il faut qu'on voit donc d'abord prophétiquement la naissance de la personne. Donc bien, si nous voulons, allons premièrement dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, là, au verset 5, et voir la prophétie par rapport à la naissance, et voir directement les attributs qui sont liés à la personne de Jésus. Ésaïe. Ésaïe 9 au verset 5. Oui, Père Patrick, si tu peux le lire, merci. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ok, ouais. Ésaïe 9, verset 7. La parole de Dieu lit la parole au nom du pronom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Amen. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Donc, à partir de cette prophétie de Ésaïe chapitre 9, nous comprenons directement l'enfant qui va naître. La Bible est claire et formelle là-bas, que cet enfant-là est appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Regardons tous les attributs près. Et lorsqu'on rentre dans le Nouveau Testament maintenant, et dans les évangiles, on voit très bien que l'enfant dont on parle, ce n'est que Jésus. Donc, le cas des musulmans, là, on va y revenir par rapport à l'activité de Jésus, parce qu'au milieu chrétien, ça ne se résume pas d'abord. Donc, résolvons ce problème ici maintenant. Bien aimé, pour qu'il m'écoute maintenant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu de l'Ancien Testament, qui a pris dans le tétragramme, le nom c'est YHWH, s'est révélé dans la personne de Jésus. La personne de Jésus, qu'on appelle le Fils de Dieu. Donc, la Bible dit formellement et clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là a un nom. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ça qui est montré dans la Bible. La personne dans l'Ancien Testament qu'on appelait Yahweh, d'une façon où Jéhovah, vous voulez, mais nous déterrons YHWH, cette personne qui a parlé à Moïse dans la lumière, dans le désert, dans Exode chapitre 3, c'est la même personne qui a parlé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas dans cette même lumière. Et là, il s'est révélé. Souvenez-vous, Moïse avait demandé d'avoir la gloire de Dieu. C'est C'était le but d'entrer les chrétiens. Donc, comme on n'a pas de temps, si le Seigneur nous dispose la prochaine fois, on parlera de la gloire de Dieu, on parlera de l'ange de l'éternel, on parlera de cet ange, l'ange de l'alliance, pour montrer que c'était la personne même de l'éternel Dieu des armées, c'est maintenant ça, ça se fera une dispensation. Mais la question qui nous intéresse, c'est le nom qui crée contre nous, Jésus. Et évidemment, il y a beaucoup de choses, des points d'écriture dont il faut la révélation pour comprendre. C'est pour cela que je vais glisser tout simplement sur ces impressions-là, où les certaines personnes brandissent pour dire que non, vous voyez ici, il n'a pas les attributs de Dieu, il ne connaît pas telle chose, telle ou telle chose. Et peu importe, je crois que même tu connais ces objections-là. Justement, je vais juste prendre le premier, là. C'est que, on prend 1 Corinthiens 15, hein. Mm-hmm. On va lire la partie du verset 26 à 28. Oui. Ok, je lis juste un verset en haut pour nous mettre dans le contexte. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça au peuple de Dieu, frère? Ok. Donc, la première chose avant de comprendre ces versets, je prie tous les bien-aimés qui ont ces versets devant eux, c'est-à-dire de 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 27 à 28, qui ça se trouve bien-aimés. Avant de comprendre ce livre, je vais d'abord parler à un moment donné du principe du gouvernement, le gouvernement de Dieu, pour qu'on puisse comprendre le gouvernement. En fait, ce verset-ci, qu'on vient de dire maintenant, on peut rattacher cela à 1 Corinthiens chapitre 11, où on parle de ces fameuses histoires des voiles, où les gens n'aiment pas entendre. Au verset 3 de 1 Corinthiens 11, on dit, je veux cependant qu'on sache que l'homme est le chef de tout. Regardez bien dans 1 Corinthiens 11, verset 3, où on parle de gloire, de foi, de voile. Et il déclare, je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ, et Christ est le chef de tout homme, de l'homme est le chef de la femme. Si vous regardez dans cette hiérarchisation, vous allez comprendre, c'est comme s'il y a un homme au-dessus de Christ. Je pense que là, bien aimé, frère Patrick, sauf le bien aimé qui m'écoute maintenant, parce que c'est lié. Parce qu'on parle de la soumission, c'est comme si on avait rabaissé quelqu'un. Mais oui, on peut juste ajouter un autre verset, frère. Là où je dis que soyez soumis à vos maris comme à Dieu, comme Christ est soumis, comme l'Église aussi est soumise à Christ, et comme Christ aussi est soumis à Dieu. Voilà. Absolument. On peut juste remettre ça aussi pour expliquer ça en même temps. Voilà, pour voir tout cela. Tous ces versets montrent tout simplement que dans le gouvernement de Dieu, un peu comme Dieu a régi les lois du ciel sur la terre. Voici pourquoi, donc, venant dans la chair, il s'est lui-même soumis à ses propres exigences. Parce que Dieu ne peut pas donner lui-même sa propre loi. D'abord, première chose, pour que, déjà, comprenons bien la situation. La loi de Dieu dans le livre, on n'a pas assez de temps d'entrer là en profondeur, la loi de Dieu dans le livre de l'Évêque expliquait clairement que pour que quelqu'un puisse prendre avoir le droit de la chair, qu'il soit un proche parent. Très bien, je crois que vous devez savoir de quoi je suis parlé, mais je parle aux bien-aimés qui sont dans le monde entier, on n'a pas le temps d'entrer en détail là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut que la personne qui va venir acheter, voilà pourquoi Satan en présente tout le temps les hommes dans la désobéissance, sachez que comme la prémisse, les prémices qui étaient Adam et Ève, étaient totalement pour lui, il n'y aura plus aucune personne de la descendance pour sauver l'humanité. Mais sachant pas que Dieu a cité d'avenir à part un corps qu'il devait utiliser, c'est-à-dire que Dieu s'est créé un chemin, quelqu'un qui était notre semblable, c'est-à-dire que notre proche parent qui devait nous racheter. Deuxième chose, la personne qui devait venir nous racheter devrait être exactement la personne qui est l'auteur de cette chose-là. Je vais expliquer un peu pour qu'on puisse comprendre. Dès le jardin, l'humanité est tombée à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Et cette chose s'est passée parce que Dieu a créé un arbre qu'on va y revenir et l'a mis dans le jardin afin qu'on puisse aider à faire les interdictions là-dessus. Et Dieu, étant le souverain, connaissant toutes choses, afin de justement son commencement, savait, et vous m'avez dit là le contraire, qu'il ne savait pas que l'homme devait le faire. Alors, la Bible déclare que Jésus est comme l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Ça suppose donc qu'avant que le problème arrive, Dieu avait déjà prévu la solution. Alors, ce serait donc, puisque il n'y a pas de lien point d'injustice en Dieu, ce serait donc injuste qu'une autre personne en Dieu de lui-même vienne le faire. C'est ainsi que la Bible nous donne dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, que Dieu était en Christ, Dieu lui-même. La Bible n'a pas dit qu'une partie de Dieu, il a dit Dieu 100%. Était en Christ pour le rendre 100% homme, pour racheter l'homme qui était l'homme esprit qui était 100% homme, afin de le racheter, l'amener sur le règne de l'esprit. Donc, c'est Dieu donc, qui a créé le ciel et la terre, a laissé pour qu'il ait l'ennemi au milieu de la création. Et l'ennemi a fait péché, et lui-même donc a fait entrer dans la création lui-même, dans un corps de chair semblable au nôtre pour nous racheter. Donc, par rapport à cette information, chapitre 15, le verset 28, particulièrement, que celui qui a soumis toutes choses. Ça suppose donc que quand on entend sur le plan humain que celui qui a soumis toutes choses, on a comme l'impression qu'il y a un être dans un coin qui dit à un autre être que je te soumets toutes choses, excepté moi. Ce n'est pas de cette façon, bien-aimés, frères Patrick, sont bien-aimés, frères Martial, et vous tous, bien-aimés, que je vous dans le monde. Il faut comprendre le principe du gouvernement des dieux. Dans ce principe du gouvernement des dieux, c'est que dans la position des attributs, Christ, Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire que dans son attribut de Christ, il ne réclame pas la paternité. Il ne réclame pas la paternité ici, c'est très important. Dans l'attribut de Christ, il ne réclame pas la paternité, bien qu'il y ait la même personne. Alors c'est dans l'attribut du Fils qu'il rachète l'humanité, pas dans l'attribut du Père. C'est dans l'attribut du Fils qu'il rachète l'humanité, pas dans l'attribut du Père. Et dans l'attribut du Fils, il y a des choses qu'il peut révéler, qu'il doit révéler, et des choses qu'il ne doit pas le faire. Après, je vais prendre l'exemple pour qu'on puisse comprendre. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer que la Bible déclare clairement que c'est Dieu qui va juger le monde. Et si vous voyez dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer maintenant que c'est excellent si cela a évolué. Mais ce n'est que la révélation de Dieu qui vient encore au pied à mesure de la lumière par rapport à tout ce qu'il disait. La Bible déclare que le Père n'est jugé lui-même personne, c'est Jésus en personne qui parle, mais il dit qu'il a révélé tout jugement au Fils. Or, la Bible dit que nous savons que Dieu ne change pas, donc Dieu ne peut pas dire une chose dès le départ et en changer. Il a dit dès le départ que c'est lui qui va juger le ciel et la terre. Et par la suite, Jésus vient dire qu'il n'a pas, c'est pas lui qui va juger, il a remis entre les mains du Père et du Fils. Donc, ce n'est pas, ça n'a pas évolué. C'est que c'est la révélation de Dieu et révèle ainsi le plan qu'il avait en lui-même. Alors maintenant, finalement, on commence à voir dans l'évangile, Jésus qui dit qu'il n'est pas venu pour juger. Donc ce n'est que dans sa première venue, ce n'est pas le but de ce jugement-là. Quand bien même que ce sera lui qui va juger. J'espère que mes bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier m'écoutent. C'est que le même Jésus-Christ qui est venu sauver, qui a déclaré sa propre bouche qu'il n'est pas venu pour juger le monde, c'est toujours lui qui va juger le monde et le monde entier. Donc si quelqu'un le croit au nom que Jésus est Dieu, qui le croit que Jésus est sauvé, qu'il est mort à la fois pour nous, lui ou non, il sera quand même devant le trône de jugement. Donc finalement, définitivement, ça ne sert absolument à rien à encourir des terres et des mains. Ce sera vraiment difficile de régénérer contre les aiguillons comme il a dit à la fin. Donc il faut seulement se soumettre à sa parole. Donc c'est Jésus dont la Bible parle de lui, de sa propre bouche, qu'il n'est pas venu juger les gens, va juger les gens plus tard. Pourtant, c'est le même Jésus. Remarquez sur cela. Donc voilà pourquoi ne comprenons pas les attributs. Donc dans ces 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, il est question de Dieu qui s'est adressé en plein comme humain. Lorsqu'il aura fini de rendre des débuts, le travail qu'il avait à faire sur cet attribut-là, il va retourner dans son essence du Père. Et c'est dans ce sens-là qu'il a fini de rendre compte. Frère Patrice, prenons un peu Hébreux chapitre 1 pour voir de quoi il est question, puisque c'est en parallèle là, par rapport à 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Hébreux chapitre 1. Puisque c'est effectivement dans cette église qu'on parle de la réflexion, la réflexion. Qui est-ce qui est le temps? Oui, le temps que me connaissez. À partir du verset 7, je crois. Voilà. Donc le frère Marcel peut nous lire là. Hébreux chapitre 1, verset 5. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un cercle d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as comment au commencement, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi. Amen. Amen. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le monde entier, en lisant ceci, Il est clair et net ici là que le créateur de l'univers, c'est la personne de Jésus qui est le Christ. Donc c'est clair là-bas, lorsqu'on voit quelqu'un ici, nous voyons, on a comme une pseudo-conversation entre une personne et ici, on a comme l'impression que c'est Dieu qui a parlé à un autre Dieu. Et nous savons très bien qu'il a parlé maintenant à cette attribut-là. Remarquez ce qui dit, un, vous dites, je m'adresse à ceux qui vont suivre cette vidéo, c'est qu'on a suivi les doctrines de Dieu, mais je vois selon laquelle la personne de Jésus-Christ est la personne de Michael. Donc c'est une fausse doctrine, diabolique, qui supérait effectivement. Nous voyons très bien ici que Dieu n'a jamais dit à un ange que tu es mon fils. Et maintenant, les marques, on peut dire ici que Jésus n'a pas la nature d'un ange, ce n'est pas un ange, comme les autres, comme ange Michael, Gabriel et autres. Là. Et pourtant, il dit ici aux anges d'adorer Jésus. Donc maintenant, on voit que la création, l'une des choses qui comprend le nom de Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est de associer la gloire de Dieu à une personne. Si Dieu veut pas demander à une personne, il a dit qu'il ne donnera, il a déjà dit qu'il ne pas changer. En lui, il n'y a aucune forme de variation. Il a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à une personne. Il demande lui que tout genou fléchira. Ici, il dit donc que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, en revenant dans la Bible, dans les différents points, on reviendra sur cet enseignement. Donc, maintenant, frère bien-aimé, Patrick, et tous ceux qui se posent dans ces questions de l'inconscient, nous voyons donc maintenant ici, quand Dieu introduit donc le Fils, donc ça veut dire que le corps, il est sous le vidéo, chapitre 9, il dit que tu n'as pas aimé le corps et autres là, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je suis venu pour te faire, haute ta volonté. La Bible n'est pas après d'avoir dit que tu n'as pas aimé le sacrifice, ça montre qu'il faisait passer une chose pour que la volonté de Dieu vienne s'accomplir. Donc, à ce corps-là, qui est appelé le point, ce corps qui est appelé le point, le tabernacle dans lequel Dieu devait venir faire sa mission, ce corps-là est appelé ici Dieu. Et c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici donc, c'est ici donc la loi de la soumission de Dieu. Cette loi-là, donc, on l'a mis dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 28. C'est pour ça qu'il a soumis. Remarquez, il a soumis, il s'est rapetissé. Ce n'est pas la soumission comme entre l'homme et la femme où l'autre doit laisser l'autre parler. Non. Ce n'est pas qu'il y a deux personnes, c'est que Dieu admet le fait que lui-même quitte le trône pour se rabaisser au plan humain afin d'exercer une œuvre dans cette attribut-là. Donc c'est par rapport à cela que frère Patrice, dans ce développement de 1 des Hébreux chapitre 1, verset 5, nous voyons plusieurs choses. Nous voyons très bien que la Bible déclare au verset 20 que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. C'est Dieu qui parle comme ça. Dieu eut des joies. Et si quelqu'un se pose la question, comment Dieu peut dire que Dieu, ton Dieu t'a oué? Plusieurs fois, et à la réflexion, nous voyons ça dans l'Ancien Testament, comment l'Éternel se présente par exemple. Il dit que l'Éternel est un Dieu miséricordieux. Par exemple, il ne dit pas que je suis un Dieu miséricordieux. Donc Dieu, souvent, c'est comme si Dieu s'est parlé à lui-même. Donc je ne sais pas si tu as vu une chose dans la Bible, mais elle est au moins. On peut même le voir aussi dans Job, quand le diable vient, quand le diable vient parler, se vient au camp, le diable approche Dieu, et Dieu dit, as-tu considéré mon serviteur Job? On peut même le lire dans Job, là, je crois. Oui, prononce-la. Oui, le faire la sonde et le faire dans le monde, il peut aussi intervenir, parce que je vois que l'esprit nous conduit autrement. Amen. Donc, on peut aller dans Job. Au chapitre 1er, hein, Job. Oui. Au chapitre 7. Hein. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, amen. Dans ce chapitre 1, à partir du verset 7, la Bible est. Oui, 7 et 8. Oui, très bien. Donc nous voyons ici comment Dieu s'adresse à Satan en disant, il ne dit pas que tu remarques que mon serviteur Job lui me craint. Donc c'est pour dire au bien-aimé qui pourrait être philosophé avec cet hébreu-là que Dieu a parlé cela plusieurs fois dans la Bible. Nous voyons également ce même principe-là, lorsque Moïse, fatigué, a demandé à voir la gloire de Dieu, il dit dans Exode chapitre 32 à 33, il dit, tu me dis toujours que tu ne connais pas mon nom, mais tu ne m'as pas fait voir ta gloire, tu ne m'as pas fait ta gloire. Il dit, tu ne peux pas voir ma gloire. Et remarquez comment il va passer devant le Seigneur, devant Moïse, il va proclamer la sainteté de l'Éternel. C'est l'Éternel qui passe devant Moïse en disant que l'Éternel est un Dieu miséricordieux, il ne faut pas que je sois un Dieu miséricordieux. Donc il est pour régler un peu cet aspect-là. Donc dans cet hébreu, nous voyons effectivement que Dieu parle de lui-même en disant qu'il a agi, il a aimé la justice. Il dit c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a quoi. Et par la suite, il dit que tu as au commencement la deuxième personne qui est Jésus là, que si c'est toi qui as fondé la terre, son ouvrage était neuf. Et nous voyons très bien que c'est la personne à qui parle sur le Fils. Remarquez bien, les frères et sœurs, pour ouvrir cet aspect. Donc cette personne a dû laisser attester potentiellement à une autre personne en disant que tu as au commencement créé le ciel et la terre et ils sont l'ouvrage des tes mains. Ils se prieront et ils se suscitent éternellement. Où est-ce là? Or, quand nous disons Genèse chapitre 9, elle est claire et formelle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc finalement, la personne avec qui on a même parlé là, c'est la personne qui a créé la terre, à moins que je me trompe qu'il y a deux terres dans l'univers que je ne connais pas. Peu importe si tu connais notre terre, notre univers, non, mon frère, jamais. Ok, donc finalement, c'est vrai que c'est la même création que nous disons dans Genèse, donc on avait parlé de la terre. Oui. Finalement, bien aimé frère, c'est tout simplement la position de Christ dont Dieu s'est rabaissé pour pouvoir faire des choses par rapport à la réaction de son œuvre qu'il a lui-même conçue. Souvenez-vous des différentes attitudes. Dieu, pour qu'il soit appelé sauveur, avait besoin de faire quelque chose pour pouvoir se sauver. Sinon, ses attributs ne se manifesteraient pas. Dieu, pour que son attribut des rafas, des guérisseurs, puisse se manifester, il fallait que quelqu'un puisse avoir des maladies pour qu'il puisse se manifester selon ses attributs. Donc, par qui sont les plus jeunes, nous allons revenir plus tard par rapport à ces attributs. Donc, la position des 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, pour tous ceux qui disent que voici, qui lisent la Bible de façon littérale et qui comprennent de façon littérale sans la révélation qui est derrière. Parce que toute l'écriture doit aller en harmonie avec toutes les autres écritures. On ne dit pas tout ce que nous avons dans ce nom. Ici, on a dit qu'il est renversé. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Voilà pourquoi il est simplement à lui, il faut nous racheter, nous qui sommes hommes. Et déjà, même si ça surprend nos frères et ceux qui nous suivent maintenant, j'aimerais leur dire clairement que l'homme n'est pas la chair que nous voyons maintenant. L'homme a d'abord été créé esprit. Et c'est donc légitime donc, que Dieu lui-même, qui nous a créé à son image, puisse venir dans la chair pour nous faire ramener dans le règne qu'il nous a créé initialement. Amen. Amen. Mais frère, je veux prendre juste un verset et je veux pas t'étaler sur le verset, mais je veux à partir de ce verset comme témoin et te poser une question. Et le verset, c'est Nombre 23, 19. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, amen. Dieu ne ment pas. Alors, la question a deux volets. Le premier volet de la question, comment réconcilier, puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, comment réconcilier le fait que dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit qu'il est, si on parle pour le livre d'Ésaïe 53, 54, on le trouve facilement. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit là-bas qu'il est le seul sauveur, quand dehors de lui il n'y a pas un autre sauveur, et qu'on nous dit que Jésus-Christ va venir et que l'ange, c'est l'ange qui apparaît, et l'ange dit que l'enfant qui va venir de Marie, ce sera, et on l'appellera Jésus. Son nom sera Jésus, parce qu'il sauvera son peuple. Comment est-ce que tu réconcilies ça, frère, avant de revenir à une question cruciale? Bonne question. Et voilà justement le point essentiel. Comme tu parles, le mot ici, c'est réconcilier les Écritures. En fait, d'abord, la première fondation, c'est que Adam a dit qu'il n'y a pas de contradiction possible. Ça suppose que s'il y a une ambiguïté, c'est nous qui sommes dans l'ambiguïté. Ce n'est pas Dieu qui est dans l'ambiguïté, parce que comme tu l'as cité, il ne peut pas mentir. Alors, si donc Dieu a dit qu'il est le seul sauveur, il ne peut pas se mentir, il ne peut pas mentir, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas avoir un autre sauveur en dehors de lui et qu'il manque d'humanité tout entier en disant qu'il y a un autre sauveur en dehors de lui. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur en dehors de l'éternel. Il n'y a pas de rocher, il a dit qu'il n'en connaît point. C'est ce que notre Dieu a dit. Alors, si dans la Bible, en fait, si on regarde avec les yeux de la révélation, avec le cœur disposé à comprendre les révélations du Seigneur, alors on doit comprendre que la personne qui est venue le sauveur là-bas, et en fait, remarquez, comme tu le sais, là je dis que car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous savons que ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Alors forcément, il faut que ça soit Dieu. Et la Bible déclare dans le chapitre 2 qu'on appelle clairement notre grand Dieu, notre sauveur, Jésus-Christ. Donc celui qui est ce Dieu-là, qui était le sauveur. Et dans Ésaïe, toujours dans la Bible, c'est chapitre 34, il dit clairement que c'est moi qui ai promis le salut, le Dieu lui-même là, il viendra et il vous sauvera. C'était lui. Amen. Donc, frère, pour réconcilier le futur, c'est ici dans un conseil pour les frères. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le premier verset, qu'il ne sait même qu'il ne faut pas qu'il y ait des enseignants, des grands hommes d'enseignants au milieu de nous. Parce que nous savons comment nous serons jugés plus sévèrement. Donc, garde à nous si Dieu nous a pas fait la faire une œuvre et nous faisons et nous voulons faire quelque chose pour Dieu. C'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que Pour qu'une doctrine soit biblique, il faut qu'on amène effectivement la réconciliation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'aucune chose que nous enseignons ne puisse être contredite par une autre chose de la même écriture. Dans ces cas, Dieu se contredirait. Donc une doctrine est biblique lorsqu'on amène l'Ancien et le Nouveau Testament en harmonie totalement. Et c'est ici dans l'harmonie. Si donc Dieu a dit qu'il est le seul sauveur, et que quelqu'un réclame, en fait, il n'y a pas de discussion que je suis celui qui a été sauvé. Et que quelqu'un d'un autre se trouve être le sauveur, alors forcément cette personne-là, c'est ce Dieu dont tu parlais. Amen. Donc, amen. La question, c'est ça. Ok, donc c'est le deuxième. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen, frère. Frère Patrice, je suis tellement béni que je voulais juste faire un petit remarque, si vous me permettez. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup béni, parce que la parole de Dieu se réconcilie, et effectivement. Et puis, il faut aussi qu'on fasse attention de ne pas dire ce que Dieu n'a pas dit, ou bien de penser au-delà de ce que Dieu pense. Parce que si nous voyons bien dans Genèse, chapitre 3, le verset 9. Dieu va poser la question à Adam, le premier Adam. Et dans ce verset, la Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Pourtant, Dieu savait où était Adam. Dieu le savait déjà. Mais il va lui poser la question, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Et Adam va répondre au verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais je vais vous montrer quelque chose que, peu importe dans quel cachet on peut se mettre, Dieu nous voit partout. Mais Dieu pose la question, c'est parce que Dieu veut nous enseigner. Maintenant, il faut que nous puissions suivre la pensée du Seigneur pour voir ce que Dieu veut nous enseigner, l'instruction que Dieu veut nous donner, la voie que Dieu veut nous montrer. Regardons bien dans Psaume 139, à partir du verset 7. Il dit, notre prédécesseur David parle, lui dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je monte au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient une lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Donc, mes frères, nous voyons ici que Dieu, on ne peut pas se cacher devant lui. Mais Dieu va poser la question à Adam, Adam, où es-tu? Et si nous lisons bien ce que David nous dit dans Psaume 139, tous les versets que je viens de vous lire, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Donc, quand Dieu est en train de nous enseigner dans sa parole, suivons la pensée de l'esprit au lieu de suivre la lettre. Amen. Continuons. Parce que la Bible nous dit que la lettre tue. Exactement, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc nous devons chercher l'esprit derrière la parole et non de suivre la lettre. Non, la révélation derrière la parole. Amen, c'est ça effectivement. Amen. Donc, amen. Donc, je vais encore prendre un verset, frère George et tous les frères qui sont là, selon que l'esprit vous dispose. Prenons un verset. Quel frère tu as dit? Tous les autres frères qui sont là, dont le frère Jean-Paul Lasson, toi le frère Martial, le frère Alain Patrick Gantino, et le frère Junior qui a commencé, qui était avec moi au début de notre petit entretien. Là, nous parlons ici précisément de temps en temps que tu ramènes le peuple à ce que nous disons. Ah, parce qu'on est toujours sur le thème, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on veut toujours savoir ce mystère. Et c'est justement ce mystère que je voulais expliquer. Frère, on a l'habitude de dire que c'est un mystère, que l'histoire de la personne de Christ, c'est un mystère. Mais j'aimerais un peu dire rapidement dans Galates, là. Dans le livre de Galates. Avant de poser ma question. voir que à partir du verset 8 là. Oui. Oui. Je peux faire la lecture? Oui, voilà. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Galates chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà. Amen. Donc, amen. Frère, si quelqu'un nous apporte un autre évangile, donc cette personne doit être anathème. C'est-à-dire maudit. Amen. On est tous d'accord, frère. Amen. Donc, je vais prendre le livre de Timothée. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui s'est manifesté en la chair, justifié par l'esprit du des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Frère, le mystère, où est le mystère? Comment devons-nous comprendre le mystère? Où est-ce qu'on situe le mystère? À toi la parole. Alors, frère, dans ce verset de 1 Timothée 3, verset 16, remarquons que ce n'est pas la connaissance de Dieu qui est le mystère à l'intérieur, ouais. C'est plutôt la chose que Dieu a fait qui est le mystère. Effectivement, c'est ça qui embrouille les gens. Remarquons très bien. Il n'a pas dit c'est Dieu qui a été manifesté en chair qui est le mystère. Il dit que c'est le mystère de la piété. Et c'est quoi donc la piété? C'est tout la vie de la crainte de Dieu. Ce qui nous donne à craindre Dieu, notre vie entre notre vie de foi avec Dieu. C'est vraiment grand. Ce sur quoi notre foi repose est un mystère. En fait, la façon dont nous croyons, la façon dont nous croyons que nous sommes sauvés, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que Dieu a été manifesté en chair. C'est pas le fait que Dieu a été manifesté en chair qui est un mystère dans ce verset. Parce qu'il faut que les gens croient en disant que non. Là, quand je dis cette terre-là, particulièrement, non, c'est un mystère, il faut que ça. Non, c'est un mystère qui a été mystifié par Dieu lui-même au travers de Jésus-Christ. Quant à ce qui est de la révélation de la parole, c'est clair dans ce verset-là que Dieu s'est manifesté en chair. C'est Dieu qui est venu dans une chair humaine pour réconcilier le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, 19. Donc, frère bien-aimé, ce n'est pas le mystère par rapport à Christ et Dieu là-bas. Il dit par rapport aux gens qui pourraient utiliser ça pour dire que non, ils n'ont pas compris si c'est un mystère. Là, c'est compréhensible, même littéralement parlant, que dans la Bible, Jésus est littéralement Dieu. Ça veut dire que dans ce verset nous montre directement que Jésus est Dieu. Et ça devient mystérieux maintenant pour nous. Souvent, nous, la Bible, on va dire que nous prêchons la sagesse de Dieu. Le salut est mystérieux. Nous prêchons cela qui est caché au sein, parce que les Grecs cherchent la sagesse, les autres cherchent des miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Où est cela? Donc, c'est effectivement cela. C'est une folie pour les gens du fait que Dieu qui vient dans la chair mourir. Parce que si des personnes donnent les impressions que Dieu ne peut pas mourir. Ce sont des choses qu'on pourrait entrer dedans et donner des réponses. D'autres disent que Dieu ne peut pas pleurer. Mais pourtant, c'est même Dieu peut rire. Dieu qui connaît toutes choses, ainsi de suite, très bien, mais parce que je ne sais pas si Dieu a déjà compris la réponse que tu nous trouverais. Amen, mon frère. Je voulais juste que, frère Martial, est-ce que tu peux nous lire ce verset, Colossiens 1, à partir du verset 25. Oui, oui, allô, frère Patrick, avant de venir à Colossiens 1, ce que Junior a dit est tellement important et j'aimerais aussi un peu revenir là-dessus pour dire que pour ce qui concerne ce mystère, en quelque sorte, ce n'est pas tellement encore un mystère parce que ce mystère a été déjà révélé par les prophètes. Si nous voyons quelques versets dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe a préparé la venue de notre Seigneur. Par exemple, dans Ésaïe 40, nous voyons que la personne qui est venue avant Jésus, c'est Jean-Baptiste, qui est venu pour préparer le chemin de Jésus. Mais dans Ésaïe 40, parlant de Jean-Baptiste, Ésaïe 40, verset 3-4, on nous dit qu'une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Je suis bien à Ésaïe 40, verset 3 et 4. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ici, il n'a pas dit une route pour Jésus, mais il a dit une route pour notre Dieu. Et dans Ésaïe 43, on voit aussi au verset 3, Ésaïe 43, verset 3, on nous dit ici que car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alors que c'est Jésus qui nous a sauvés, ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés. Mais il y a une contradiction. Mais donc, ce qui veut dire que, avant que Jésus ne vienne, il y a eu des prophéties à son sujet. Il y a eu des choses qui ont été dites à son sujet. Et c'est ces choses qui ont été confirmées dans les évangiles. Si nous voyons Ésaïe 43, le verset 11 jusqu'au verset 13, il dit « C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma mère. J'agirai. Qui s'opposera ? Dieu dit que personne ne peut délivrer de sa mère. Ça veut dire que même la personne de Jésus ne peut pas délivrer de sa mère s'il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut prendre dans la main de Dieu. Bon, si je peux encore continuer un peu, regardez Ésaïe 45, le verset 22 à 25. Il dit encore, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers qui ? Moi, le Dieu d'Israël, moi, le Saint, l'Éternel très haut. Et il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient hérités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Donc nous voyons effectivement que la prophétie qui a été faite avant la venue dans le monde de Jésus parlait de Dieu lui-même. Donc Jésus n'est que Dieu. Donc je vais revenir au verset que tu nous as donné, frère Patrick, sans pour le lire rapidement. Tu nous as donné un Colossiens 1, verset 15, c'est ça? Oui, mon frère, avant d'arriver sur Colossiens 2, tu as lu un verset très important tout à l'heure où tu as parlé de tout genou fléchira. Amen. Tu te rappelles? Oui, oui, oui. C'est dans Ésaïe que tu l'as dit. Oui, c'est dans Ésaïe 45. Tu peux nous rappeler, tu peux le relire, frère. C'est dans Ésaïe 45 et c'est le verset 23. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Regardez bien ici. Hein. Il dit, ma parole, la parole de qui ? De moi, l'Éternel, ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera par moi. Okay. Au verset 24, il a dit, en l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Mais frère, juste, je voulais juste mettre ajouter quelque chose que tu viens de dire. Parce que cette prophétie d'Ésaïe trouve son accomplissement. Trouve sa réalisation dans Philippiens 2:10. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen, effectivement, c'est ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Et le frère Patrick, et c'est clair donc que si au ciel, la Bible est littéralement écrite là-bas que tout genou fléchit. S'il y a un autre genou en dehors de Jésus là-bas, même Dieu fléchira de Dieu dans ces cas-là. Et c'est impossible. Et vraiment, et pour la continuité de la révélation, là, quand le verset que le frère Patrick vient de donner, par rapport à 1 Timothée 3:16, donc Colossiens 1, tu as dit verset 25, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, c'est elle que j'ai. Tu peux lire à partir du verset 24 pour nous remettre dans le contexte. Verset 24, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Est-ce que je me réjouis? Oui, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Allô? C'est bon, est-ce que tu as pris Colossiens 1, 24? Oui, oui, oui, celui-là, c'est bon. Ok. On va arriver sur Colossiens, donc. Voilà, d'accord. Maintenant, d'abord, je vais sur Colossiens, s'il vous plaît. Donc, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24, l'apôtre Paul parle aux Colossiens, il écrit aux Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ n'est pas le problème, il n'est pas Christ le mystère. C'est Christ, le mystère de Christ a été révélé. Donc, c'est les révélations, nous l'avons même dans Apocalypse chapitre 1. Voilà. Lui-même va parler, Apocalypse chapitre 1, verset 8, verset 18. Il nous dit clairement, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. En fait, la révélation elle est complète, elle est claire. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, dans nos esprits, ça devrait être clair. Et je crois que davantage que le Saint-Esprit nous conduira à ce qu'on puisse donner comme ça des versets, des interventions qui vont amener à ce que ce soit clair dans les esprits de ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Frère Junior, je peux poser une autre question pour que vous posiez un autre point pour qu'on continue. Ah oui, vous pouvez partir. Avant que je continue, j'ai un autre point. Lorsque tu as été couvert là, j'ai soulevé un autre point là où je voudrais étayer une comparaison parce que tu. Nous avons convenu que pour amener la venue de la personne, on parle de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas bien aimé? Donc, je chute là rapidement et puis je te passe la main avant que tu ne relâches notre point. Donc, là, Jean-Paul a sorti à la parole. Oui, tu m'as dit Somme 50? Oui, verset 1 à 6. Ok, d'accord. Je lis la parole de Dieu. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, au-dessus de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. Amen. Nous voyons clairement ici, on a dû parler lorsque Dieu va descendre du ciel avec des serviteurs autour pour juger. Et c'est clairement écrit là-bas qu'autour de lui, il y a du feu dévorant. Donc ici, il dit rassemblez avec moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et nous savons très bien que le seul sacrifice qui a réuni les fidèles autour de Dieu, c'est uniquement le sacrifice du sang de Jésus. Alors on conclut en disant que, car c'est Dieu qui est juge, c'est littéralement écrit là-bas. Et la période où cette parole qui est prophétie par rapport à son Seigneur s'accomplit, c'est tout donc manifestement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, allez partir. Maintenant, c'est à toi. Ok, je lis la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens 1, verset, à partir du verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet. Et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous glorifions, nous, de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Donc nous voyons très bien que ce qu'on écrit dans le 2 Thessaloniciens chapitre 1, la rencontre que le peuple allait partir de lui, c'est exactement ce qu'il a été dit dans ce que le frère Jean-Paul a lu. À moins que quelqu'un me dise qu'il y a eu deux avènements qui vont se passer avec les flammes de Dieu. Deux réunions des croyants en Christ, le jugement de Dieu par rapport aux ennemis. Donc nous sommes d'accord qu'il n'y aura qu'un seul jugement, et tel que la Bible nous l'écrit. Et ce qui est écrit dans le psaume 50, c'est exactement ce qui est écrit ici. Et nous voyons donc dans ce psaume 50, en prenant les paroles, pour que les gens puissent comprendre là où je partais. Dans le psaume 50, la Bible déclare que c'est Dieu qui vient au milieu de feu. Le problème, c'est que là-bas, c'est Dieu. On est devant Dieu, il y a encore le nom de Jésus qui a tout au milieu des hommes. Ici, dans le Nouveau Testament, puisqu'il est révélé, on l'appelle maintenant de son nom dont il est appelé. On dit le Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, frère, c'est ça qui voulait ajouter. Parfois, il y en a tellement comme ça, en prenant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si on prend, par exemple, à la chapitre 1, où il dit que j'enverrai mon messager pour voir le chemin devant ma face. C'est lui, l'Éternel, qui parle. Et le messager, donc, là, va le chemin devant sa face, c'est manifestement Jean-Baptiste. Et il est soudain en train de le Seigneur, l'Éternel, dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et il est en fait, justement, dans cet temple, qu'il a dit, détruisez cet temple, je ne le passerai en 3 jours. Donc, il y a beaucoup à dire là-dedans. Et ça, sans compter le fait qu'il a dit dans Zacharie, ils m'ont vendu à 30 pièces d'argent, c'est plus le manque au cœur qu'ils m'ont estimé. Dans le Nouveau Testament, on voit que c'est accompli dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère Patrick, tu voulais la sueur de quoi? Oui, frère, c'est parce que tu me permets d'essayer de marquer d'un grand point le livre de Matthieu 24, parce que c'est aussi un verset qui veut prêter à confusion pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Le livre de Matthieu 24 au verset 36, parce que certains frères se disent, mais toujours pour essayer de vouloir démontrer que Jésus n'est pas Dieu, donc Jésus n'est pas le Père, alors il va dire dans Matthieu 24, parlant de son discours au mont des Oliviers, parlant aux disciples qui vont lui poser des questions, en lui faisant contempler le temple, il va dire au verset 36 de Matthieu 24, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, frère Junior, si Amen. Tu veux. Oui. Oui. Ok. Tout à l'heure, le frère Jean-Paul a pris un verset dans le livre de Genèse, chapitre 3, où Dieu est venu, sachant, nous sommes d'accord là-dessus, que Dieu sait toute chose. Sachant que l'homme avait péché, il a posé la question à Adam, Adam, où es-tu? Cette question n'a pas besoin de répondre parce que Dieu sait manifestement, Adam, c'est tout. Nous sommes d'accord aussi là-dessus, un peu plus de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen, frère. La même situation se trouve dans Genèse chapitre 4, verset 9. Souvenez-vous, lorsque Adam, qui s'appelle Caïn, a tué son frère, Dieu lui a demandé de Caïn, où est ton frère Abel? Vous voyez, la même question se revient. Quand Dieu a posé la question à Abel, il savait exactement où Abel, c'était Abel, avait fait. Avant que Abel ne fait Caïn et tue son frère, Dieu savait qu'il le ferait. Alors, manifestement, quand Dieu pose la question, ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que je parlais et j'ai bien aimé frères et sœurs dans le monde entier. Nous prions véritablement que le Seigneur puisse nous éclaircir par rapport à ce sujet, que ça soit une fois pour nous aider dans notre esprit. Veuillons comprendre que dans ce Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ dit clairement qu'il n'a pas dit que le Fils de l'homme ne connaît pas, il a dit que le Fils lui-même ne connaît pas, il n'a pas dit que le Fils qui est devant ne connaît pas, il a dit le Fils. Il parle des attributs, de l'attribut du Fils. Dans la position de l'attribut, il n'est pas permis de révéler. Je vais dire quelque chose pour Frère Martial, puisque c'est toi qui as pris le verset, allons dans le livre de Jean au chapitre 16. Pourquoi on voit quelque chose? Parce que, bien-aimé, comme tu as si bien révélé, bien-aimé, il utilise cette verset pour dire que voici, jusqu'à lui-même, il ne connaît pas, donc justement, il dit qu'il connaît. Donc lui-même est limité. Alors que la Bible dit clairement qu'il n'a pas de commencement de vie, il est éternel. Donc, et on va venir sur la question de l'éternité et de l'éternité, s'il y a possibilité qu'il y ait deux personnes qui aient la vie. Donc, frère Martial, prenons Jean chapitre 16. Chapitre 16. Verset 28 à 30, disons cela. Jean chapitre 16, verset 28 à 30. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Alléluia, merci. Les disciples disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Frère, mesurons bien les paroles qui sont prononcées et par le disciple, par l'exil et par Jésus. Jésus-Christ ne dit pas qu'il est sorti à côté de Dieu. Il dit qu'il est sorti littéralement du Père, sorti du Père. Et dans un autre verset, il va pas dire que je suis sorti du sein du Père. Le papier de Jésus qui dit, aucun être humain ne peut le dire. En fait, il n'y a pas deux possibilités. Soit Jésus est un usurpateur, soit il est Dieu, d'après ses paroles. En moins qu'on ne comprenne pas comprendre. Maintenant, c'est sur le verset que je vais m'appeler là, regardez, par rapport à cette question de Matthieu chapitre 24. La Bible dit clairement ici que c'est son disciple lui a dit, tu ne parles maintenant avec parabole, parce que ça va nous montrer que même les disciples embrouillés comme nous sommes embrouillés aujourd'hui, dans ma majorité. Jésus-Christ lui parle maintenant quelque chose, ou prédit, nous savons maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Mais bien aimé, à moins que peut-être c'est dans ma version seulement que c'est écrit. Est-ce que dans notre version, nous sommes d'accord que c'est écrit toutes choses, que Jésus sait toutes choses? Amen, amen, amen. Amen, amen. Ok, alors posons la question. Si Jésus sait toutes choses, y a-t-il donc une chose qui puisse lui échapper? Non, absolument rien. Ça veut dire que lui sait toutes choses. Alors lorsqu'il est venu chez Marie dans Jean chapitre 11, en demandant où l'avez-vous enterré, c'est exactement ce qu'il faisait lorsqu'il posait la question à Adam, où es-tu? Lorsqu'il était dans l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen. Nous voyons très bien que Jésus-Christ sait toutes choses. Et le matin, très bien, pour expliquer encore bien à ses bien-aimés frères, dans ce Jean chapitre 15, chapitre 16, il va bien leur expliquer qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il pouvait leur révéler, mais il ne peut pas les supporter maintenant. Après, il a dit que le consolateur viendra et vous poserez dans toute la vérité. Et pendant ce qu'il est à Jésus, il va les révéler. Vous voyez, c'est des choses qui devraient être données par révélation parce que les gens ne peuvent pas venir. Et par rapport à cette question de fin des temps et au-delà de sa venue, lui-même, Jésus-Christ, a dit clairement qu'il va venir comme un voleur, que c'est à lui de venir. Lui n'est pas le roi, alléluia. Donc c'est lui qui va venir comme un voleur. Ça veut dire que si on lit 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est encore clair là-bas. On dit à la trompette, lui-même, il descendra du ciel. À la trompette, là, quand il sonnera la trompette, il descendra du ciel. Et quand nous lisons tous ces éléments d'Apocalypse, on voit très bien que ce n'est que lui qui donne les ordres, ce n'est que lui qui donne les ordres bien-aimés. Donc ne nous embrouillons pas. Jésus veut dire que dans son attribut de fils, parce qu'il est venu pour sauver, il n'est pas venu. Souvenez-vous, les disciples vont me poser cette question autrement dans Actes des Apôtres. Alors, dans Actes des Apôtres, là, je vais dire, les frères. Il m'a dit, ce n'est pas à vous de comprendre que les dates pour le moment où Dieu a fixé sa propre autorité. Il dit, mais votre part, c'est l'école, mais soit vous êtes allé avec moi. Donc, Jésus m'a dit par là qu'il y a des choses concernant sa venue ou autre chose. Parce que s'il le disait, c'est que moi, je pourrais faire du mal à elle, sachant que le jour approche, il couvre le temps. Pour qu'on reste à comme des soldats, comme des sentinelles, en étant dans l'aide et qu'on reste éveillé. Amen. Dans la 7 Actes chapitre 1, le verset 7, les disciples lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il a dit, Seigneur, pas à vous de connaître les temps ou le moment où le Seigneur, que Dieu lui a fixé sa propre autorité. Remarquez comment il dit, que Dieu lui a fixé sa propre autorité. Il dit, quant à vous, recevez la vie puissante de cet esprit suivant ensuite. Donc, Jésus vient de dire à ces disciples-là maintenant qu'il y a des choses qui ne vous est pas permis de regretter, que ce n'est pas permis que je vous les donne maintenant. Il ne s'est pas permis que vous compreniez ici. Mais dans la dispensation, dans les répartitions que j'ai pour vous, voici ce que vous êtes censé savoir. Voici juste où ça va aller. Donc, frère, Marcia, c'est ça exactement dont la Bible nous parle. Oui, et puis selon ma compréhension, là, dans le livre de Matthieu, effectivement, le Seigneur est en train d'accomplir la loi. Il est en train de parler à Israël. Et l'Église n'existe pas, l'Église n'est pas encore. Et puis, là, il parle de son retour physique. Là, il a pu parler à Israël de son retour physique. Mais en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, puisque les Thessaloniciens vont s'interroger à ce sujet-là, à la 1 Thessaloniciens 4, il va bien leur dire, l'apôtre Paul va dire, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, au verset 5, au verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Voilà pourquoi le révélation comme celle qu'il a donnée à beaucoup de frères, Pierre Gilbert, Marie Massicotte et le frère Ngandimoun qui avait réalisé la vision sur l'enlèvement de l'Église, qui a quand même, nous ne pouvons pas savoir certainement, mais il y a des périodes quand même. La CDCM nous donne quand même certaines périodes où nous sentons, nous le disons tous aujourd'hui, hein, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes à la fin des temps, l'enlèvement peut arriver d'un moment à l'autre. Donc, nous sommes déjà avertis, peut-être pas à l'heure exacte, mais comme il dit, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens là, que vous n'êtes pas les enfants des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. En fait, il se parle là, de l'enlèvement de l'Église, et pourtant, dans Matthieu 24, il est en train de parler du retour physique sur le mont des Oliviers. Absolument, frère, absolument. Patrick, est-ce que c'est possible que je prenne la parole à ce stade-ci juste pour mettre l'emphase sur quelque chose, sur vraiment l'importance du sujet sur lequel nous sommes en train de partager? Okay. Avant de passer à un autre point. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je veux simplement que nous prenions la parole de Dieu dans Matthieu 16, Matthieu 16 à partir du verset 13. Donc, le sujet que nous sommes en train de partager ensemble n'est pas un sujet secondaire du tout, c'est vraiment un sujet central, c'est vraiment la fondation même de la foi chrétienne. Donc, si on se trompe sur ce sujet-là, on peut effectivement bâtir notre foi sur du sable, parce que, effectivement, ça ne sera pas sur le roc, sur le rocher sur lequel le Seigneur veut que nous bâtissons notre foi. Donc je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon, verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, Pétros, on le sait bien, et sur cette pierre, Pétra, le rocher, je bâtirai mon église et les portes de l'ange du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, nous savons que l'Église, qui est l'ensemble des rachetés, est bâtie vraiment sur cette fondation-là que le Père même qui est dans les cieux a révélé à Pierre dans ce passage-ci, à savoir que Jésus est le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, certains pourront dire, oui, je crois que Jésus est le Fils, mais il n'est pas tout à fait Dieu. Il est inférieur à Dieu parce que on dit que toute chose lui sera, enfin la parole dit que toute chose lui sera soumise et ainsi de suite. Mais ça, je veux amener un autre passage pour qu'on comprenne bien la révélation que Pierre a eue dans ce passage quand il a dit le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que c'est bien, quand on dit le Fils, ça ne dérange personne, mais quand on dit Jésus est Dieu, les gens commencent les gens perdent pied un peu, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est pas rien la révélation que Pierre a eue là. C'est pas pour rien que Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, donc c'est pas un homme qui t'a révélé ça. Ça ne peut que te venir directement du Père. Prenons maintenant Jean 5. Jean 5 à partir du verset 15. On va lire Jean 5 du verset 15 jusqu'au verset 18. Donc, je lis la parole du Seigneur, Jean 5, verset 15. Cet homme, donc c'est Jésus qui guérit quelqu'un, cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père. Regardez la fin de la phrase. Se faisant ainsi lui-même égal de Dieu. Se faisant ainsi lui-même égal de Dieu parce qu'il disait que Dieu même est son Père. Donc la révélation que Pierre a eue ici là dans Matthieu 16 au verset 18, en fait au verset 16, c'est que tu es le Christ Dieu. En fait, c'est ça la révélation que Pierre a eue. Et c'est sur cette révélation-là que l'Église même est fondée. Donc si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, il ne fait pas partie de l'Église. C'est ça la gravité même de confondre l'identité de Jésus, ne pas croire que Jésus est Dieu. Et tout à l'heure, le frère Jean-Paul a lu en fait ce passage qui montre que seul Dieu peut sauver. Donc si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, puisque c'est lui qui nous sauve, ça veut dire que cette personne-là n'est pas encore sauvée. C'est ça la gravité de la question que nous sommes en train de partager ici. Donc il faut vraiment qu'on remette cette question-là dans son contexte, dans son importance. Ce n'est pas rien que nous sommes en train de faire là. C'est vraiment quelque chose de très important. Parce que les gens peuvent penser que c'est une question secondaire. Non, ce n'est pas une question secondaire, c'est une question de salut. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, cette personne-là ne fait pas partie de l'Église. Parce que la révélation que Pierre a eue, et sur laquelle Jésus dit que son Église sera bâtie, c'est que Jésus est Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on voit ici, là, dans Jean, au verset 18, que les pharisiens, même qui étaient là, les Juifs, ils avaient compris que quand il appelle Dieu son Père, il se prend lui-même pour égal à Dieu, pas inférieur à Dieu, mais il se prend pour Dieu lui-même. Voilà. Donc, c'est juste une précision là que je voulais apporter. Donc, Patrick, je te passe la parole. Amen. Juste dans la continuité de ce que tu dis, parce que peut-être quelqu'un d'entre vous va intervenir par rapport à ça. Est-ce que dans l'entendement des Juifs d'aujourd'hui, les Juifs même, je parle des Juifs dans la chair, est-ce qu'eux, ils ont une ambiguïté par rapport au fait que, et c'est ça effectivement le point sur lequel je vais venir, est-ce qu'ils ont une ambiguïté par rapport au Messie? Est-ce que, quand on va dans la Torah, est-ce que les Juifs, puisque nous savons qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, mais parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, parce qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui un autre Messie. Mais est-ce que dans leur tête, il y a une ambiguïté par rapport au Messie qu'ils attendent? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Dois-je reposer la question? Oui, Patrick. Oui, Patrick, repose la question. On ne t'a pas saisi, au fait. Ok. Parce que, d'après ce que le frère Alain Patrick a dit, nous voyons que les Juifs, dans les Juifs ont dit que Jésus-Christ, quand ils ont vu que Jésus-Christ, ils ont dit bien que Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ s'est fait égal à Dieu. Mm-hmm. Et ma question est celle-ci, parce que nous savons que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ comme Messie. Est-ce que les Juifs, nous savons aussi que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, mais ils n'ont pas rejeté la prophétie selon laquelle un Messie devait arriver. Nous, aujourd'hui, nous savons que le Messie qui devait arriver, il est arrivé de Jésus-Christ de Nazareth. Mais eux, ils ont rejeté Jésus-Christ, donc ils attendent le Messie. Donc, dans le temps, la question est, est-ce que dans l'entendement des Juifs, est-ce qu'il y a une ambiguïté par rapport au Messie qu'ils attendent? Ok, j'ai saisi la question, mais d'après Papi Sol, j'ai encore eu une petite contribution là-dessus. D'abord, quand les Juifs, enfin, je vais me mettre à la peau des Juifs, et les gens pourront vérifier, quand les Juifs lisent la Torah, quand on lit l'Ancien Testament déjà, la partie de l'Ancien Testament, ceux qui l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament, quand ils lisent clairement, ils savent que le Messie c'est Dieu. Parce que, une première chose, c'est que le Messie est le roi d'Israël. Et dans les prophéties, le livre d'Ésaïe particulièrement, on va prendre là-bas, mais je vais prendre un premier passage dans le livre de Zacharie. Zacharie, prenons Zacharie, la chanteur, Zacharie. Zacharie, chapitre 9. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit s'il vous plaît? Amen. Je. Alors, je vous dis, Zacharie 9, chapitre 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Amen. Et nous voyons très bien, en voit que quelqu'un veut être de la mauvaise foi, que cette prophétie s'est accomplie dans la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. N'est-ce pas, bien-aimé frère? Amen. Ok. Amen. Maintenant, partout dans le Ésaïe, il voit le frère Jean-Paul là, sur le point où il peut nous appuyer cela avec les. C'est parce qu'il est versé vraiment, si il puisse dire comme ça, dans Ésaïe particulièrement. Dans le livre d'Ésaïe, c'est le livre qui a été Jésus exactement et lui-même comme étant le roi d'Israël. Maintenant, prenons cette chose ici. Dans le livre d'Ésaïe particulièrement, il dit clairement que Israël, ton créateur est ton époux, l'éternel des armées est son nom. Avant de dire que c'est la parole, frère bien-aimé. Et la Bible dit ici dans Zacharie chapitre 2, verset 9, que voici ton roi qui vient. Ton roi vient. Souvenons-nous dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, le verset 4, il avait dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu, la vengeance dans la réflexion de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Quant à ce qui est du rejet de Dieu, mais si nous savons très bien que c'est lui qui a rejeté de Dieu, c'est lui qui ne voit quoi. Nous savons très bien cela. Mais si le Messie veut permettre à ce qu'il puisse le voir, il le connaissait exactement dans la personne de Jésus-Christ, exactement qui il est. Voici pourquoi ils avaient posé la question posée par Jésus. Si le Christ, dit le nous franchement, il a dit, il nous a dit. Parce que les œuvres rendaient témoignage de lui. Parce qu'en fait, il devait sauver les écritures pour savoir qui était derrière, devant lui. Parce que c'est Ésaïe chapitre 35, verset 4 et 20, verset 4 et 20, le verset 5 disait clairement que quand le Dieu va venir, le Dieu là va venir là, les oreilles des sourds vont s'entendre, vont entendre, les oreilles vont voir. C'est exactement ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Il a Jean-Baptiste envoyé pour réclamer que est-ce que celui qui devait venir, celui qui devait venir, devait faire ces choses-là. Il a renvoyé la foi en disant que les aveugles voient, les sourds marquent, les sourds entendent, ainsi de suite. Donc, frère Patrice, les Juifs, en lisant les Écritures, sans aller en faire le Nouveau Testament, on va voir très bien que la personne qu'on appelle le roi d'Israël se trouve être Jésus de Nazareth et se trouve être l'éternel des armées. Ils savent que le Messie, c'est Dieu. Donc, en fait, juste le verset que tu cherchais que tu viens d'évoquer, Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux, l'éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, qui se nomme Dieu sur toute la terre. Amen. En fait, pourquoi est-ce que j'ai ramené ce point, j'ai ramené cette question? Parce que aujourd'hui, nous avons été greffés, n'est-ce pas? Mais nous acceptons que Jésus-Christ est le Messie. Donc si nous acceptons que Jésus-Christ est le Messie attendu, ça veut dire qu'en réalité, le Messie attendu ne peut être que Dieu. Parce que la Torah nous enseigne, les Juifs, eux, ils savent que c'est Dieu. Jésus, ils n'ont pas d'ambiguïté. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles ils ont refusé Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont refusé, c'est un gros travail, parce qu'ils ont aussi refusé d'accepter que leur Dieu va venir dans une étable. Avec un oui, c'est ça, ils ont refusé, ils pensaient, ils savent que. Pour démontrer encore ce cas de figure, qu'il y a une cohésion très parfaite même de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, parlant de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 3, au verset 14, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et nous voyons ça dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 58. Jean chapitre 8, verset 58, lorsqu'il va parler, il va dire, Jésus leur dit, je parle à partir du verset 55, un peu plus haut, 54, Jésus répondit, si Je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus répondit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis, l'Exode chapitre 3 au verset 14. Et Jésus va le répéter dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 58. Toujours parlant de sa divinité, confirmant sa parole. Amen. Amen. Amen. Et il y a aussi un passage, là, j'essayais de le retrouver juste pour appuyer encore ce que Martial dit. Lorsque Judas arrive dans le jardin de Gethsémané avec les gardes pour arrêter Jésus, et les gardes, il y a un des gardes qui demande qui est Jésus de Nazareth. Et Jésus a répondu d'une certaine façon, et puis les gardes sont, ils ont reculé et puis sont tombés derrière. Je ne sais pas si quelqu'un a le passage exact. Attends. J'étais en train de vérifier ce passage-là. Lorsque les gardes viennent lors de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané, et quand ils sont arrivés, ils ont demandé qui est Jésus de Nazareth. Et Jésus, la Bible nous dit c'est moi. Il a répondu c'est moi, et puis les gardes sont allés tomber derrière. C'est un passage qui est lumineux, en fait, quoi, parce que l'explication dans le texte grec, quand il a dit « c'est moi », en fait, le texte grec dit « je suis ». Et c'est parce qu'il a dit « je suis » que la puissance de Dieu s'est dégagée. Les gardes sont allés tomber derrière, à plusieurs mètres en arrière, en fait. C'est juste ça que je voulais rajouter pour corroborer ce que Martial vient de dire, là. Si vous le voulez bien, je vais prendre encore un autre texte, ou bien deux autres points polémiques, du moins, qui pourraient créer confusion, qui pourraient créer confusion, qu'on essaie un peu d'expliquer. Premier point, allô? Allô, oui. Amen, nous te suivons, frère. Voilà. Ok. Parle un petit peu plus fort, frère. Voilà. J'ai quelques problèmes avec ma technique, avec ma connexion. Ok, que pourrons-nous dire? Parce que c'est un point vraiment d'ajustement. Donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on réconcilie ça avec dans Acte 8, quand justement Étienne, étant lapidé, il regarde et il voit Jésus-Christ. Debout, à la droite. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, les frères? Donc, celui qui se sent disposé peut répondre. Allô, oui. Vous avez bien compris la question? Oui, la question, parlant d'Étienne, je crois, dans Acte 8, oui, tu as dit dans Acte 8. Qui a vu Jésus assis à la gloire de Dieu le Père. C'est dans Acte chapitre 16, verset 50. Acte 7, pour moi, oui. Acte 7. Oui. Voilà. Verset 55 à 58. Voilà. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. Oh. Parce que les gens aussi s'accrochent ici. Et comment est-ce qu'on doit comprendre ce verset? Frère Jean-Paul, je ne t'ai pas fait la parole. Oui, frère, c'est une très bonne question que tu viens de poser là. Il faut qu'on comprenne que la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. La droite de Dieu, c'est la main agissante de Dieu. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui le prouvent dans la Bible. Donc, Étienne a vu la puissance de Dieu. Donc, il n'a pas vu, parce qu'à la droite de Dieu, il n'y aura pas Jésus. Parce que la droite, ce n'est que la puissance de Dieu. Parce que si nous voyons dans Ésaïe 41, verset 10, Amen. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Si nous voyons encore le psaume 98, le verset 1. Le psaume 98, le verset 1. Après, si quelqu'un peut nous lire aussi. Exode 13.